Et à l'époque, je me rappelle, il y avait d'énormes postes de radio qui étaient démentiels, et les gens se réunissaient autour de ces postes pour écouter les quelques informations, et bien entendu, ils étaient très étonnés d'entendre parler dans cette espèce de caisse de bois, se poser des questions, de savoir qu'est-ce que c'était que cette chose d'extraordinaire. Et on entendait déjà les discours du Duce, Popolo d'Italia, etc., les discours d'Hitler.